Des ciseaux de la Radio Campus de Trois-Rivières. C'est le palmarès, c'est fou. Bonjour et bienvenue au Palmarès C'est fou pour la semaine du 31 octobre au 6 novembre 2011. Moi, c'est Mathieu Plante. Et moi, c'est Marc-Pierre Lafosse-Bourret. Oui, de retour après une absence la semaine passée. Oui, j'ai été chez moi, dans mon patelin. Ton patelin qui est? Ah, oh, c'est pas très loin. C'est à une heure d'ici. Mais tu sais, des fois, là, être chez vous, là, ouais. chez ta maman, dans, ça fait le nid douillet. Oui. Oui. T'as eu du plaisir? Oui. Est-ce que t'as passé l'Halloween? Est-ce que t'as fêté non, l'Halloween? Puis parle-moi-en pas. Ben, Colin, ben, laisse faire d'abord. La déception de l'année. Comment ça? Parce que j'adore donner des bonbons à l'Halloween. C'est comme... Je pense que je préfère l'Halloween à Noël. Donc, c'est pas peu dire. C'est ouais. ma fête de l'année. Et habituellement, je donne toujours des bonbons chez ma mère. Je donne des bonbons, j'ouvre la porte. Puis c'est comme une surprise à chaque fois parce que j'ai travaillé dans un camp. Fait qu'une fois de temps en temps, c'est des enfants que je connais. Ah oui. Tu sais jamais sur quoi t'ouvres la porte. Puis on dirait j'aime vraiment ça. Et là, cette année, j'avais un cours de 7h à 9h le non. soir. De 7h à 10h le soir de l'Halloween. Donc, déception. Déception. Et le mot est fait. C'est dommage, ça. Oui. Ouais. Moi, les deux fêtes sont pas tellement importantes, Noël et l'Halloween, donc j'ai combiné les deux en portant un chapeau de Noël à l'Halloween. Oh. Full original. Jamais vu. Jamais vu. Mais donc, bon retour à toi. Ben merci. Hein? Et on remercie. On te remercie d'être présente et on remercie Kim Bergeron d'avoir pris ta place la semaine passée, temporairement. Pour l'instant. Non. Donc, on va aller à notre émission des Palmarès C'est fou. On a plein de choses à vous faire entendre. La semaine passée, mon numéro 1 était du côté francophone, Bravo Funkin avec Cœur Rubik. Et du côté anglophone, c'était Wilco avec I Might. Ouais, on a 4 nouvelles entrées. On va entendre plus tard Violet Pie, Mauve et Library Voices, mais on va commencer avec la 20e position francophone. C'est les Breastfeeders avec Danser sur ma tombe. Et restez avec nous parce que plus tard, il y a aussi les meilleurs moments d'assemblage requis dans un instant classique. Oh. Ah, et Justine devrait être là, je pense. Aussi. Je pense. J'espère. Ah. Yeah, Generation and Clap de Library Voices, nouvelle entrée en 20e position anglophone sur l'album Summer of Lust. Et juste avant, c'était les Breastfeeders avec Danser sur ma tombe. Il y a seulement deux nouvelles entrées, elles sont toutes les deux du côté francophone, et donc on va sauter par-dessus les anglos. On aurait entendu en 19e place Dan Mangan avec Oh Fortune. Et en 18e position, ça aurait été Au Bijou avec Niagara. On va entendre donc les positions 18 et 19. Tout à l'heure, il y aura en franco, oui. Tout à l'heure, il y aura Violet Pie ou Violette Pie, comme vous le voulez. Au choix. Je préfère Violet Pie, ça sonne plus rock, mais en même temps, je sais même pas si ça sonne rock, le groupe. Là. Mais bref, le nom fit avec le nom du groupe qu'on va entendre juste avant. Ah, tu parles de... De Mauve. De Mauve. Avec la chanson Agnol. Ah, ben Caroline, on écoute ça à l'instant dans les Palmarès C'est fou, un condensé de la meilleure musique que C'est fou à vous offrir. Et plus tard dans l'émission, on s'est confirmé. Justine sera là. Justine! Juicy Justine! Oh, wow. Elle m'a dit la dida, nous avons bu du nouvelle entrée. Sexuel de s'aimer dans cette touche de pixels, le plafond illuminé de lumière de Noël, c'est la même mélodie qui joue dans nos têtes. Dans ma tête, j'envoyais des messages dans les airs, reflétés par mes noms de satellites. Ils s'en sont retournés sur Terre, mes courriels. Oh, sirotéable. Oui, je t'aime, mais je ne sais plus si tu m'aimes ou bien si tu veux partir. Alors tout est fini. Que je t'aime, mais ne me reviens plus. Mais ne me reviens plus. Veux-tu brancher ta langue USB sur mon ordinateur? Violet Pie et USB en position numéro 18, nouvelle entrée du côté francophone sur leur maxi Violet Pie ou Violet Pie. Violet Pie. C'est un EP. Ah, oh, c'est en un plus. EP en plus, oui. un maxi oui, EP. Oui, oui, oui. Oui. Les filles, vous avez trouvé, parce que Justine vient d'arriver en passant, juste pour vous dire. T'es arrivé, oui. Puis à chaque fois que quelqu'un arrive de nouveau, je ne vous jamais les micros, ça va? Ben oui, ça va. Toujours la même affaire à dire, c'est comme redondant, comme gag. Oui, ça va bien, super. Oui. Vous trouviez le solo bizarre au milieu de la pièce. Spécial. Hein? Particulier, oui. Différent. Ben oui. Qu'on pourrait dire ça. Je pensais que la toune buguait. Ben oui. Mais c'est ça, c'est une pièce d'ordinateur USB technologique. Ouais. On fait un solo de gigahertz. Ça sonne comme quand un Nintendo gris carré, là, quand ça se met à buguer. Il faut que tu sautes dans la cassette. Parce que t'as accroché ou ta mère a accroché le Nintendo parce qu'elle a passé l'aspirateur puis t'as refusé de te tasser du chemin. Il y a des petits pixels partout, puis la petite musique bizarre. Ça sonnait comme ça. mais en bien. Ouais. C'est une bonne affaire, c'est une bonne chose. Ben, j'imagine. Là. On aime la pièce, non? Oui, oui. Moi, je l'ai aimé. Ben, ambiguïté autant entourant le solo que le nom. Violet Pie. Ouais. Mais Pie, c'est comme le chiffre, tu sais, le 3.1415. 14-16. Ah, ouais. Parce que là, t'arrondis, mais c'est 14-15 quelque chose d'autre, mais c'est qu'il y a comme un chiffre qui affecte arrondi. Ah, ben là. Ça vient de 14-16, non? C'est pas ça? Comme un 9 après, genre? Oui, oui, t'as raison. Ah, bon. On va chicaner. C'est quoi, Violette, là? Tu vas m'engueuler sur la teinte de mauve que c'est? La fleur, c'est une fleur. Une fleur aussi. Ah, mais c'est aussi une couleur. C'est ça? Mm-hmm. Bon, on se trompe pas. Tu portes à peu près du violet mauve, toi, ouais, aujourd'hui? Je suis toute mauve aujourd'hui. Pourquoi tu gardes ton trench coat dans un studio où il fait aussi chaud et une tuque en plus de laine, tu sais? Non, j'ai tout le temps vraiment extrêmement frette, puis mes cheveux sont à chier. J'ai pas le temps le matin de m'occuper de mes cheveux. Voyons donc, tes cheveux, tu sais qu'ils sont beaux, tes cheveux, là. Faites allez pas à l'école, vous allez vous habiller en plouc. Oh, c'est un bel encouragement. Je sais pas ce que ça veut dire en plouc, là, mais ça doit pas être beau. C'est ça, c'est pas une bonne affaire. Ouais. C'est différent et particulier, un peu comme le solo de Violet Pie. Exactement. Bon. Sur ce, aujourd'hui, Justine, tu vas nous jaser d'un sujet là, des plus hétéroclites. Oui. En léchant ton suçon pendant que je te pose une question. Là. J'aime pas que tu utilises le mot hétéroclite pendant que je lèche un suçon. Alors, pour expliquer, on mange des bonbons. Des suçons, oui. Ben c'est ça. OK, mais ça n'avait pas c'est été dit, hein? Non, mais j'espérais que les gens n'avaient pas l'esprit si croche que ça. Ça, c'est moi, l'habitude, qui... Mais allô? Les gens, réveillez-vous, c'est l'Halloween. Qu'est-ce que tu penses que les gens ils font dans leur voiture, à la radio, quand ils travaillent, en chicanant leurs enfants, à la garderie? Ils bouffent tous les bonbons d'Halloween des enfants qui ont tous récolté avec beaucoup de passion et de ben carie. Oui. Et de Carrie, toi, j'ai entendu dire qu'il t'en poussait une live pendant que tu mangeais un bonbon. Il m'en pousse tout le temps live. C'est ça. Ah, on peut saluer ma dentiste, Isabelle Veilleux. Bonjour, elle n'est pas enceinte, elle, non? Je ne penserais pas. On a déjà parti des controverses sur des gens enceintes autour de toi. Non, mais je pense que j'ai eu... Il y avait une rumeur comme quoi son chum... est enceinte? Non! Que son chum était le propriétaire du Monkey. Ah ouais? Du temple, quelque chose du genre. Un jeune branché. Ah ouais. Ça fait de ma dentiste une jeune branche avec broche. Elle avait des broches, je sais pas si elle en a encore, faudrait que j'aille la voir. Quand même, au moins, c'est original. Je veux dire, c'est une dentiste qui porte elle-même l'équipement qu'elle installe à ses patients. Ben, c'est ça, elle a essayé avant, ben, puis c'est dit que ça marchait bien. Ben oui. Regardez mon sourire. C'est un démo, ça. C'est un démo, c'est en même ça. Temps, j'espère que c'est pas comme dans un magasin d'électroménager où tu peux acheter le démo, ça. Que tu peux pas acheter des broches d'affaires et les mettre dans la bouche. Ben non, c'est ça. Usagé. C'est moins cher, moins cher, ouais. Restendra pas de la veille, oui. Bon. Mais c'est ça, est-ce que cette semaine, j'étais en train de vous parler... Ah, c'est vrai, on était sur ce sujet-là, je m'en rappelle. C'est ça. Alors, placebo, ça vous sonne une cloche? Oui, ben parlant de médicaments, tu sais, comme chez le dentiste, des fois, tu te fais piquer avec des médicaments. Peut-être qu'on pourrait servir un placebo et puis tu pourrais avoir l'impression d'être gelé, mais sans l'être. Tu sais ce que c'est un placebo, Dieu. Non? Ben oui, mais ça fait peur. Je faisais des liens, moi, là. Non, c'est que c'est moi, là, les placebos, c'est sûr, ça marche pas. La dentiste, c'est tout à fait qu'elle me pique genre à 1 000 milliards de places. Là, j'ai la moitié de la face gelée, mais ça me fait quand même mal dans la bouche. Tu peux te faire donner des coups de poing complètement. Puis... Ah non, sérieux, tu sais, quand tu touches le bout du nez, puis tu le sens plus, ouais, ouais. Là, ça chatouille quand ça décongèle, puis là, après ça, t'essaies de cligner dans ton œil, puis ton œil, il descend tout seul. Ouais. T'essaies de cracher partout. Puis... Paralysie faciale au millième degré, là, c'est pas le fun. Mais c'est ça, tout ça pour dire que oui, aujourd'hui, je suis ici pour vous parler de placebo. Pourquoi? Ouais. Ben parce que je l'ai malencontreusement mis sur mon iPod, mon petit iPod 2G des années 10, que j'ai plugué dans mon auto. Et j'ai dit, ah ouais, c'est vrai, c'était bien bon, placebo. Ouais. Entre deux puffs de smoke de n'importe quoi. Là. Ça s'écoute avec du Ajax qui coule à flot dans le sang. Alors, ben selon moi, là... Hey, elle me perd des fois, là. C'est vraiment supposé être un avant-goût de sa chronique, puis je pense qu'on a comme... C'est sûr, c'est des bonbons que tu as donné. Je sais pas, hein. Hey, il parlait pas de suçon à cocaïne à un moment donné dans une nouvelle à quelque part, là. Ah, mon Dieu, récemment. Eux autres, oui. Ouais, morphine. Placebo? Non, dans un article de Nouvelles Insolites. Je pense que c'est Dîner de con qui en parlait. Qu'on sérieux? Salue d'ailleurs le con en chef, Danny Jean-Louis. Oh, okay. Parler de suçon à morphine. Ben, écoute, je sais pas, hein, mais c'est pas ça. C'est pas ça, mais ça pourrait l'être. Moi, j'ai un suçon jaune des enfants parce que Marie-Pierre, elle a voulu absolument le suçon rouge. Tu sais, madame. OK. Mais tout le monde se bat tout le temps pour le suçon rouge ou les suçons verts. Mais personne ne veut jamais les jaunes pis les mauves. Non, moi, j'aime les jaunes. J'aime ça, les jaunes. Les oranges, c'est les pires. C'est le plus dégueu. Non! Ah non, c'est bon. Ouais. Orange, ça goûte. Je vous les apporterai exactement l'orange. Ah oui! T'en as, toi? C'est quoi, t'as passé moi, à l'Halloween? Chez moi, de mon appart. Pourquoi? J'ai acheté un sac. Pourquoi? C'était pas l'Halloween. Tout le monde a fait ça, non? Des spéciaux, c'est des bonbons. Non. C'est pas bon pour la ligne, ça. La pie. Il faut vivre un peu. Violet pie. Ouais, violet pie. Ouais. Bon, ça va faire. Je mets un stop ici à ça. Exactement. On retourne en musique. On va l'entendre dans nos prochaines positions. Et là, si je comprends bien, on a sauté par-dessus des côtés anglophones pour se rendre directement en 17e place de chaque bar. Là. Oui. Du côté anglo, c'est Feist. Feist ou Feist, vous avez tout à fait raison, c'est les deux. T'as cherché, hein? Ou ben, tu l'as vu, toi aussi. Vous pouvez l'appeler Leslie, hein? C'est ça son prénom. Ouais. Alors, la toune de Leslie. Hey, je vous ai écouté l'autre jour dans mon auto, puis j'ai entendu la toune de Feist en retournant dans mon auto. C'est ça, j'avais mis un frein à la conversation tantôt. C'était vraiment bon. Ah oui? Continuez alors. Donc, septième position francophone, ce sera Feast avec The Bad in Each Other. Oui, mais on va débuter en francophone. Voici Charlie Foxtrot avec une remontée de deux places pour une nouvelle entrée de la semaine dernière. C'est pas un public cible au 89.1 FM, c'est les palmarès, c'est fou. Je sais, elle va continuer de parler pendant qu'on écoute la chanson, ça. Ça n'arrêtera jamais. Mm-hmm. J'aime ça. Une qualité. Thank you. C'était Feast. Feast. C'était Feast. Avec la chanson Bad in Each Other. Justine, moi j'ai l'air d'un méchant garçon quand je fais ça. Faut que tu m'aides. Hey Colin, je pensais pas en partir la même. Feast. C'était très drôle pour moi. C'est une référence à la semaine passée quand t'avais dit Feast et automatiquement, ben oui. Justine t'avais dit ben là, voyons, non, c'est Feast. Les avec ma grosse voix de politicien, ben oui. C'est ça, ben oui. Ben, ah, bon, ouais. Mais le gag est passé. Ouais. Ouais. Ouais. Ouais. Bon, c'est les tartines de Justine. Alors, ce matin, qu'est-ce que j'ai tartiné sur mes toasts? T'as pas encore mis tes écouteurs cette semaine, toi? C'est quoi la chanson que je suis en train de jouer? Raté. Hey, bonjour, Justine! Bonjour! Avec ta tuque, je suis sûr que t'avais des écouteurs, ça. Non, non, non, j'ai pas d'écouteurs. Cette semaine, je suis handicapée d'écouteurs. Bon. Qu'est-ce que j'ai tartiné sur mes toasts ce matin? Du Nutella puis du beurre peanut avec des bananes! Bananes! Oh, Martha me fait donc. Ah, elle a des écouteurs. OK, ben attention. On va repartir ton intro. Ça va être super beau. Okay, comme, sérieux? Comme à la vraie radio. Ah, comment? C'est les tartines de Justine. Ah! J'ai pas le droit de chanter. Ben, tu peux chanter. Ben, chante. OK, vas-y. Alors, cette semaine, nos c'est n'importe quoi. De Justine. Oui. Alors, on avait déjà dit qu'on parlerait de placebo. Placebo en anglais. Allez, merci de la traduction. Grosse oui. Différence. Oui, oui. Alors, je sais pas si tu l'as amélioré en disant en anglais. Je sais pas. Mais si vous vous souvenez, là, les semaines dernières, là, j'avais parlé de, par exemple, Mother, puis Hot Hot Heat, puis plein d'affaires avec des mères, des pères, des affaires avec de la chaleur, qui viennent tous de l'Ouest canadien. Mais là, j'ai changé de pays. Et oui, j'ai changé de pays, puis je suis rendu en Grande-Bretagne, les amis, fait qu'il faut suivre. Là. Prenez d'avion. Le bateau et gardez les mains à l'intérieur. Prenez le bateau, gardez les mains à l'intérieur. Garochez-vous en bas, trouvez-vous un petit Leonardo DiCaprio. Oubliez pas trop près du bord de l'eau. Pas trop près du bord de l'eau. Alors, Placebo, un groupe super magnifique composé d'un gay, un bi et un straight. Ça fait donc un groupe à moitié gay. Si c'est quoi le dernier? Il est straight. Ah, straight. A straight. T'es tellement anglophone que je te comprends pas. Il est droit. C'est à cause de son grand-père. Il aime les femmes. J'avoue que le nom straight en anglais, ça a l'air bizarre. C'est comme straight, c'est comme droit. Le reste, c'est donc tout croche. Ouais, non, ils sont toutes croches les autres. C'est bizarre. Hein? Fait que c'est ça, le drummer étant straight. Et le chanteur et guitariste Brian Molko, reconnu pour ses élans bisexuels de vie débauchée, plein d'alcool, plein de drogue, plein de filles, plein de gars, tout. Il y a tout, ben du plaisir. Hein? Il y a bien du plaisir. Il fringe souvent, d'ailleurs, son guitariste Stephen, son nom? Stephen Osdall? Marie-Pierre est toute offusquée. J'ai jamais entendu parler de ce groupe-là. Mais... Ben voyons! Le petit gars, Brian Molko, qui a de l'air à moitié d'une fille, à moitié d'un gars qui nous... Androgyne. Androgyne, tout à fait. Qui nous fait vraiment beaucoup penser à David Bowie. OK. Puis c'est ça, groupe vraiment intéressant qui nous rappelle un peu une version glam de Nirvana, de The Cure, un peu de David Bowie. Ils ont fait d'ailleurs beaucoup de covers de The Cure, Kate Bush, David Bowie, peut-être un peu même... Elle répète beaucoup le même artiste à la date. Est-ce qu'ils ont fait des covers de David Bowie? Je pense qu'ils ont fait des covers de David Bowie. J'ai entendu quelque chose. Je pense qu'il y avait un lien avec David Bowie avec leur groupe. Je suis pas sûr. C'est ça. Ouais. Fait que vraiment, là, dans tout le temps, les racines très British. Là, David Bowie. Un indie rock très David Bowie, très androgyne. Un petit gars habillé en petite fille ou une petite fille habillée en petit gars, on sait pas, jusqu'à ce qu'on baisse les pantalons puis on fait « Ah! » Wow! Alors, voilà. Sur scène? Sur scène? Sur scène, écoute, je sais pas. Si nos dents se sont mises à poil quand j'avais 10 ans, peut-être qu'eux autres se sont mis à poil quand j'avais 1 an. Ouais. Je sais pas. Mais c'est ça que le public veut. Ben c'est ça, le public veut. Ça, les gens tout nus. Ils aiment ça des affaires David Bowesque. Ouais, des C'est des Bowie-situdes. C'est des Bowie-situdes. Ouais, ouais. Bowie-tudes, je sais pas où mettre les tudes. C'est de toute beauté. Non. Alors... Alors, plusieurs albums là, à leur actif. Et le dernier qui est sorti... le 31 octobre 2011! À Halloween! Oui, à l'Halloween! Fait que eux autres, pendant que nous, on mangeait des bonbons, qu'on envoyait se promener des petits garçons, des petites filles déguisées en sorcières puis en marimée à la porte... T'envoies promener des enfants? Caroline, donc ben pas sympathique, toi, avec le monde. Non, moi, je suis l'ogresse de la rue des Lilas. Alors, pendant ce temps-là, eux autres étaient en train de sortir un nouvel album. Fait que, ils ont pris un camion, ils ont loué un U-Haul, ils ont mis des CD dedans, puis ils ont sorti. Ils ont dompé ça, là, quelque part, dans une pile. À quelque part, on ne sait pas. Alors, leur nouvel album du nom de We Come in Pieces. Malheureusement, j'ai aucune tune de cet album-là à vous présenter. Je suis assez plate. T'es un petit peu comme casseuse de party. Oui, c'est ça. Je suis une agace. Nouvel album. Agace, nouvel album. Agace Bowie 7. Bon. Alors, tout ça pour dire qu'à la place, je vais même pas vous présenter une chanson de leur album qui est sorti en 2009, Battle for the Sun. Mais bien, je vais vous présenter une chanson de leur album Meds, qui n'était pas vraiment pas leur meilleur, mais que j'ai vraiment aimé une de leurs chansons sur cet album-là, du nom de... Écoutez tous. One of a Kind. On s'entend-tu que c'est pas emo? Pas à peu près. Alors, on va écouter immédiatement One of a Kind de Placebo de leur superbe album Meds, qui n'était malheureusement pas leur meilleur et que les fans se sont révoltés. Alors, One of a Kind qui parle d'un petit gars ou une petite fille qui est full reject, puis que vous allez voir qu'est-ce qui se passe à la fin. C'est vraiment triste. Le guitariste? Ben, qui est une petite fille ou un petit gars. Steven Osborne. Non, non, mais lui, il est juste gay. Ah, OK. Ben, d'abord, c'est on parle le chanteur, de l'autre. On parle Brian de l'autre. Molko. C'est peut-être son histoire à lui. C'est un petit gars avec des petits yeux bleus puis une barbe. Mais une barbe, ça vient pas mal. Non, mais c'est pas clair, son affaire. Non. Allez voir les photos là, sur Google, là, ça dit tout. Alors, on vous roule ça à C'est fou, 89h, One of a Kind, a Placebo. C'est dans les tartines de Justine. Wouh! Tu disais Google, comment t'écris ça? You get nothing done. Talk is cold and burns like the sun. Can't you see these skies are breaking? 'Cause the top of the world is where I'm from. The back of the class is where I was. Keeping quiet, playing. To break in, 'cause the back of the class is where I'm from, and I am one. I am. I'm on a race and it's killing. Yours, I'll keep it with mine. Can't you see these skies are breaking? 'Cause I'm on a race and I'm doing fine. Thank you. Two of a kind and no one home. I'm in a crowd and I'm still alone. Can't you see these skies are breaking? Nothing done. C'était One of a Kind avec Placebo ici à C'est fou! Wow! Wow! Rock on! Rock on! Moi, je dis que c'est fou, alors il faut bien une folle, puis c'est moi. La folle de service. Ouais, mais ils disent qu'une personne sur trois sont fous. Fait qu'on est trois là, dedans le local. Là. Ouais. Si je regarde Martha, elle est pas folle. Si non. je regarde Mathieu, elle est pas fou. Clairement bon, ben pas. Ça doit bien être moi. Ben oui. Elle porte une tuque. C'est ça, c'est elle. Hey, arrêtez donc. Pourquoi tout le monde capote sur le fait que je porte une tuque? Parce qu'on une... crève. Oui, ouais, mais là, chaud ici. L'été, je porte pas une tuque. Là. Ça, je trouve ça ridicule, les gens qui portent une tuque l'été. Ben, ça, c'est une mode ironique hipster. Là. C'est comme ça. Oui, mais je suis pas hipster. T'as-tu vu ma tuque? C'est tout droit sorti du derrière de North Face. Là. Du derrière de North Face? Mais oui. Dans les poubelles? The dark side of North Face. Okay. The dark bon. Face. OK. Ça ferait une belle publicité. Mais ça fait pas hipster, tu comprends, là? Non. Tu peux pas, genre, t'habiller en Columbia puis en The North Face puis tu sais, je suis hipster! Faut que tu te l'aies tricoté en macramé avec des résidus de roadkill, là. Des animaux sur le bord de la route, ça. Des animaux sur le bord de la route. Ouais. Merci de rectifier mon français. Ça me fait plaisir pour les gens qui comprennent pas, là. C'est encore pire depuis que ça l'a justifié. Ouais, c'est ça. Et voilà. Alors, Marie-Pierre, as-tu confirmé que Brian Mulco a de l'air d'un... D'une fille. Voilà. Et d'un gars à la fois. C'est pas voilà. trop clair. Ouais. C'est le meilleur des deux mondes, finalement. Bon, ben c'est ça. Ça dépend. Mais il n'y a pas de sein. Pour lui. Mais il n'y a pas de sein. Ben oui, c'est pas le meilleur des deux mondes. Là. En tout cas. Laisse donc faire. Merci, Justine. Ben ça m'a fait vraiment plaisir. Je l'aime beaucoup, cette chanson-là. Oui, très bien. Ouais. C'était donc du placebo dans les tartines de Justine. Ouais. Est-ce que tu restes avec toi un petit peu? Ben certainement. Ouais. On va présenter le prochain bloc. Alors, on est rendu au position numéro 16. Du côté anglophone, ce sera The Pack 80 avec Sirens qui monte de deux places. Et du côté francophone, ce sera Monogrenade avec Obsolète. On parle à rester fou. Tu peux faire un autre wouhou quand on dit c'est fou, c'est wouhou. J'ai la peau d'un lézard, les yeux de squelette. Entre la mâchoire et cerveau d'allumette. Raconte une histoire, fais-moi chauffer la tête. Montréal, Istanbul et Bruxelles. C'était The Pack 80 avec la chanson Sirens en 16e position anglophone. Et avant, du côté franco, c'était Monogrenade avec Obsolète qui monte d'une place. C'était nouveau la semaine passée. C'est la fin de cette première heure. On se retrouve tantôt avec un très bon bloc de pièces là, avec Jean-Antoine Corriveau, Crash Ton Rock, Black Lips et Astra. C'est comme une grosse affaire, un grand morceau qu'on va faire jouer tantôt. Et un instant classique. Ben oui, évidemment. Tu sais, on n'a pas encore entendu ça? Oui, j'ai entendu la dernière fois, j'ai capoté Barrette, c'était fou les mouvages, j'étais plié en quatre, ben attaché avec la broche, c'était super. Vous allez rire, vous allez pleurer, vous allez nous supplier d'arrêter. Restez là. Vous êtes assez fou pour l'écouter. Bon, attends, c'est la deuxième heure des Palmarès C'est fou pour la semaine du 31 octobre au 6 novembre 2011. Marie-Pierre Laforge-Bourret se situe juste là, au nord de moi-même. Et Mathieu Plante, au nord de moi-même. C'est un peu ça en même temps. Hein? Si on y allait vraiment dans le vrai sens, là, ça marcherait pas. Hein? Parce que de où est le nord? Où est le nord? Où est l'est? Où est le... Je sais pas, où je suis mêlé. C'est où le IGA? C'est où le... Non, mêlé. Bon. Donc, début de deuxième heure, on va se faire un bloc de quatre pièces. Oui, je sais que ça n'a aucun sens. On va entendre là-dedans, entre autres, Antoine Corriveau. Il va y avoir Black Lips et Hush. On débute avec la 15e position francophone. C'est Crash Ton Rock avec la chanson Il Priait. Ouais, Il Priait. Il Priait. Tout comme vous priez tous d'entendre les meilleurs moments d'Assemblage requis qui suivront dans un instant classique. Et je viens de parler avec Danny Janvier, le merveilleux animateur du Dîner de Con et en même temps producteur de tout ce qui est sonore assez fou, les publicités, etc., etc. Et en exclusivité exclusive, on va voir la nouvelle publicity d'Assemblage requis. Oh! Wow! Débile. On est prêt. Bon, j'espère, parce que vous avez 4 pièces à entendre. Donc, 4, après ça, ça va faire 3, 2, 1. Après ça, on va entendre la nouvelle... OK? On est prêts? Oui. Donc, Crash Ton Rock, maintenant. Crash Ton Rock, t'sais. Non? Vous pouvez nous arrêter. Non? Arrête. Ah, elle a vu que je continue. Tu veux que j'arrête, tu veux que je continue? Qui va gagner? numéro 15. Sur le plancher, des traces qui ont figé longtemps.

Vous êtes assez fou pour l'écouter. 89.1. Numéro 13. Don't you cherish me to sleep? Oh, never keep your eyes closed. Hold me for the pops and clams. I was only for the father's crib. On vient d'entendre Bon Hiver avec Calgary qui descend d'une place en 13e position anglophone. Et juste avant, c'était OK Volca avec Pluie d'automne. Oui, on une grosse pluie d'automne agressive. Agressive, un peu comme Émilie Gauthier qui est en train de déménager en ce moment. Émilie qu'on connaît de sa chronique plein air veut sortir avec moi à Assemblage requis, qui est en sabbatique en ce moment, qui est en train de déménager à la pluie. Donc, si elle nous écoute... Bonne chance à Émilie. Bonne chance, pauvre toi. Pauvre toi. Entre-temps, pendant les pièces, on était en train de parler de... En fait, c'est Justine qui amenait le sujet tellement pertinent. D'où était Céline Galipeau hier? Oui, Céline Galipeau, Colin, j'écoutais les nouvelles. Puis après tout sur moi, je me suis rendu compte que Céline Galipeau était transformée en un homme ingrat, obèse, aux lunettes rondes, comme son ventre. T'es donc bien grossiste! Non, je suis pas grossiste. Je suis pas le prix du gros. En tout cas... c'est ça un grossiste? Ça fait des bons prix, là. C'est bon, ça, là. C'est ça. C'est ça. C'est ouais. Comme dans, genre, chez Ronan l'entrepôt. L'entrepôt. Et voilà. Ouais. De la gravité du sujet. Donc, on parlait. On passe à autre chose. Galipette. Ouais. Okay. Galipo faisait des galipettes. On disait qu'elle faisait des galipettes, c'est ça. Et toi, tu nous parlais d'allitération et de. D'assonance. Quel est lequel? L'assonance, c'est une répétition de voyelles et une allitération, c'est une répétition de consonnes. Donne-nous un exemple de chaque. Et... Ah, je t'en demande. Ouais. Une allitération, ce serait, par exemple, répéter tais-toi, Toto. OK, tais-toi, Toto. Tonté, tatiloté, tatou. Ça, ça serait une allitération. Wow. Et une assonance, ce serait avec des voyelles. Mon son. Attends, c'est plutôt trouvé. Natation, le... natation. Mais donc, galipo, galipette, c'est juste deux mots que ça ressemble. Ça n'a pas vraiment de nom, là. Ce serait plus. Mon Dieu, c'est comment ça s'appelle? Je ne sais pas. J'utilise pas assez souvent les noms de figures de style. Je te demandais, tu sais, c'est quoi une rime de début de mot? T'sais, parce que des mots qui riment, c'est la fin du mot qui rime, mais le début du mot, c'est rime. Comprends-tu? T'as compris? Mm-hmm. Ouais. C'est ça. C'est une mire. Rime, mire à l'envers. Une mire. Ah, oh. Voulez-vous un exemple d'assonance? S'il te plaît. Tout m'afflige et me nuit et conspire à me nuire. Donc, la répétition du UI, du son. Ah! Oui. Ouais. D'accord. Ça, c'était tiré de Racine. Phèdre. D'un livre de Racine. Phèdre. Phèdre. Ouais. De Racine. Phèdre ton livre. Ah, c'est rendu qu'on a du contenu éducatif dans les palmarès. C'est fou. On va pouvoir avoir un petit icône avec un globe là, comme à la TV anglophone, là, tu sais, là, dans le coin de l'écran. EI avec un petit globe. Vous voyez que c'est intelligent, cette émission-là. Ouais. Il y a une petite leçon à la fin avec un petit violon. Ouah, ouah, ouah. C'était le son. C'était pas vraiment une imitation de violon, on s'entend là-dessus. Mais, on est y en a un autre ici qui peut être très, très le fun. Si mon tonton, ton sera tondu. Ça serait comme ton tonton sera tondu. Ah, wow. Oh là mon là. Dieu. Ça veut rien dire, hein? Ça, voilà. ça venait de Carmine Campagne, c'est ça? Exactement. Oui, fait, oui, c'est un fait. C'est un fait. Voilà. Carmine Campagne, qu'on se souvient, était méchante. Ah ouais, comment ça, donc? Ben, je sais pas. Bon, on la salue. Bonjour, Carmen Carm. Carm! Recyclant Carmen Electra dans les dernières années. Oui, pour vrai, c'est la même personne. Oui, c'est vrai qu'on les a jamais vus ensemble, hein, fait que tu peux pas prouver que c'est pas la même personne. Exactement. C'est parce qu'ils habitent pas à la même place. Ah, peut-être. Ah, t'es tellement rabat-joie. On est rendu au prochain numéro 12. Côté anglophone, c'est Man Man avec Dark Hearts qui monte de 3 places. Et juste avant, c'est Malajube avec le Blizzard. Et plus d'impertinence au retour. J'imagine, j'espère. Tatuque, tu vois Tatuque, c'est beau Tatuque. Voulez-vous d'autres figures de style? Oui. Tatuque et euphémisme. Tatuque a deux queues sur le côté, une de chaque bande. Yeah. Je viens juste d'entendre Mad Men avec Dark Arts en 12e position. Ça fait Halloween, je trouve, cette pièce-là. Ouais, un peu. C'est spécial, un peu. Ouais. Moi, j'adore ça. Du côté franco, on a entendu Majub avec Le Blizzard qui descend de 5 places, donc de la 16e position, sur l'album La Caverne. On va sauter par-dessus les 11e positions du côté francophone. On aurait entendu Bradycardie avec Et si jamais qui montait d'une place. Et du côté anglophone, on aurait entendu Young Galaxy avec Peripheral Visionaries. Weiries! Reese's, ça me rappelle les chocolats Reese's. Mais c'est pas ça. On va aller entendre les 10e places. Du côté anglophone, il va y avoir Jane's Addiction qui monte de 10 places. Nouvelle entrée de la semaine passée, Irresistible Force. Et tout de suite, on va l'entendre Kid Sentiment avec Cybelle. Au palmarès, c'est fou, un condensé de la meilleure musique que c'est fou à vous offrir. C'est vrai, mm-hmm. Ça? C'est vrai, il dit ça tout le temps, mais c'est vrai? C'est vrai. C'est vrai? Oui, sauf une chanson. C'est une blague. Trouvez laquelle. Tu ne le sais pas, pour toi le ciel descendrait ici-bas. Tu es si belle dont tu ris aux éclats. Tu es la seule qui ne brille que pour moi. Je sais pour toi, cela ne veut rien dire encore. Tu vis ta vie sans regret et sans remords. Tout est un jeu et tu joues quand tu veux. Pour toi tout est futile, tout ça est inutile. Tu es si belle que tu ne le sais pas. Pour toi le ciel descendrait ici-bas. Tu es si belle quand tu vis aux éclats. Tu es l'étincelle qui ne Shockwave.

They Call Me Rico avec Blue Moon of Kentucky, position numéro 9. Ça monte de la 17e place. Et juste avant, c'était Air One avec Le Soleil plein les yeux. On termine ici pour la deuxième heure. On se retrouve pour une troisième et dernière. Et là-dedans, on va entrer le top au moins 5, peut-être même 6, si tout rentre bien. Là. Alors, on va si avoir, on se force. Ouais, c'est ça. On va avoir Philippe B, Peter, Bravo Funken. Et en anglophone, qu'est-ce qu'on va avoir? En anglophone, on va avoir The Cooks et Mother. C'est celle qu'on nomme, il faut les faire jouer, ça. Oui. Genre. Ouais. Mais c'est bon, t'en as nommé juste deux, j'en ai nommé comme cinq. On a des chances. Ça devrait bien se passer. Restez là, c'est les palmarès, c'est fou. C'est comme une nouvelle chanson thème qu'on vient de se faire faire. Palmarès fou, wing, wing, wing, petite guitare, nanana. Le gars, il change de place parce que c'était encore du décor Mirico. Ha ha la la la. Ouais, oh. C'est long, hein? C'est un peu long quand même. Puis là, il fait comme. Est-ce qu'on assiste à un malaise? Un malaise? Ouais. Un malaise créé de toutes pièces par Mathieu Plante? Oui! Bravo! Vous êtes assez fou pour l'écouter. 89. On est de retour au palmarès C'est fou pour la troisième heure. Moi, bravo. C'est Marie-Pierre Laforce-Bourret. Ah, moi, c'est Mathieu Plante. Quelle belle façon d'entrer. Bravo, Marie-Pierre. Première, j'ai pris ta place. Première intro faite par toi, comme ça? Ouais. On va faire ça plus souvent, je pense. OK. Maintenant que t'as commencé, tu peux plus arrêter. Un jour, je te ferai, je te montrerai la console et tu pourras me remplacer quand je serai malade en train de me moucher pendant comme 20 fois dans la même émission. Mais c'est drôle parce que Mathieu, quand il se mouche, ça sonne comme... Tu sais, quand t'es jeune puis tu souffles une cassette de Nintendo, bon. Là, c'est ça. Est-ce que c'est positif, ça, ou c'est négatif? C'est quand même positif, tu le sais pas trop. Parce que... OK. On penserait que t'es en train de jouer Nintendo, ce qui serait complètement plausible. Ce serait le fun en même temps qu'il y a animé à la radio. Hein. C'est comme combiner deux plaisirs. Ouais, mais en même temps, ça ferait encore plus de gaffes. Oh! Des gaffes! Où ça, des gaffes? As-tu vu des gaffes? Depuis... Oui, avant la pause. Ah, c'est vrai, je me rappelle. Merci de me le rappeler, d'ailleurs. Ça fait partie de toi. C'est une belle... c'est comme une qualité. Bon, ça a été long à sortir. Hein? C'est comme si t'inventais des mots au fur et à mesure. Comme, je vais dire que c'est une qualité. On va sauter en ce début de troisième heure par-dessus les 8e et 7e places. On aurait entendu en 8e francophone Salomé Leclerc avec Tourne encore et en 7e Marc Derry avec Welcome. Et du côté anglophone, on aurait entendu Timber avec Woman et en 7e position, on aurait entendu Chad Vangelen avec Peace on the Rise. On va se forcer tout de suite. On va envoyer un autre bloc de 4. On va commencer par les 6e places. En anglophone, il y aura Mother avec Baby Don't Dance qui monte de 2 places. Et du côté francophone, ce sera les Vulgaires Machins avec Et même si. Et en 5e position, ce sera Bravo Funken avec Carubic. Et on terminera avec The Coup. C'est un beau gros bloc, ça? Oui. On l'écoute. On a eu peur, on a eu froid, on a rempli des salles vides et vidé des salles pleines. On s'est brisé des doigts. On a signé des chèques, on a perdu la voix, on s'est fait lancer des bouteilles de Jack vide. S'il faut se dire adieu, et même si les nuages résistent au soleil et les mohawks se délavent, mon cœur est encore en feu. On a mis de la poussière dans l'engrenage, on s'est fait fois. On a écrit des tonnes plates, on a menti aux médias, on s'est engueulé avec notre agent de presse, mais on a fait la paix, on a transgressé des lois, on s'est fait fouiller aux douanes.

C'est encore une bonne quinzaine de secondes avant que la chanson finisse pour finir ta bouchée. Nom nom nom nom. Hein? Bon, est fini? Pas encore fini? C'est long à mâcher quand même, ces bartenders de la chasse-galerie. Mais elles sont excellentes par contre! Chasse-galerie, pavillon des ébauchements, à l'UQDH. Bon. Vous êtes toujours au palmarès, c'est fou. Ce qu'on vient d'entendre, c'était The Kooks avec Is It Me en position numéro 5 qui monte de deux places en anglophone. Et juste avant, c'était Bravo Funkin avec Cœur Rubik en cinquième position. Et c'est l'ancienne première position francophone. Tout à fait. Avant ça, en sixième anglo, c'était Mother Mother avec Baby Don't Dance qui monte de deux places. Et les Vulgaires Machins et même si. Voilà. Colin, je regarde ça. Bravo Rubik, l'ancien numéro 1 francophone. On l'a dit, c'est bon, mais on n'a pas encore entendu la position numéro 1 anglophone. Donc, est-ce que c'est encore Wilco avec I Might? On le saura peut-être d'ici la fin de l'émission. Indice? Pas d'indice. C'est trop facile. On va aller aux positions numéro 4 à l'instant. Du côté anglo, c'est Rich Aucoin ou au coin, avec Hit et ça monte de 15 places. C'était nouveau la semaine passée. Et on va tout de suite entendre Philippe B avec Hypnagogie. En quatrième position francophone. Là, c'est juste un bloc de deux pièces là, pour faire changement depuis la dernière heure environ. On joue des blocs de quatre. Ouais. Ça veut dire que tu as le temps pour peut-être une bouchée. OK. À peu près. J'en prends note. Le temps du prochain bloc. Bonne chance. Vous êtes au palmarès, c'est fou au 89.1 FM. Marche. Mouvement. Ça a l'air bizarre, dit de même. Hein? Ouais. Va et viens. Non, OK. Ouais. J'ai dormi longtemps. Comme un volcan, j'ai dormi longtemps. Mais t'as trouvé la faille dans mon flanc, la faille dans mon flanc. J'ai fermé les yeux, serré les dents. J'ai ouvert mon cœur et j'ai laissé laisser couler le sang. Dormais encore quand t'es parti, j'ai dormi trop tard. J'ai pas senti glisser ton corps et s'éloigner nos vies. En ouvrant les yeux, un trou dans mon lit, j'ai crié ton nom et mon écho. Oh, m'a renvoyé la nuit. You wish you had to go and leave. Rich, mon Dieu, ça ouais, coupe pas. Mais avec 40 pièces dans le palmarès, c'est difficile de se rappeler lesquels finissent secs de même, mais ça ouais, m'énerve. Là. C'était Rich Aucoin. Ouais, c'est un drôle de nom, hein. On sait pas trop comment le prononcer, ouais, celui-là non plus. Avec la chanson Hit, qui est montée de la 19e position à la 4e position. C'est un gars de la Nouvelle-Écosse, et moi, juste parce que ça m'a énervé, j'ai envie de réentendre la fin. OK, vas-y. OK, attention. Il devrait être à peu près là. Comme ça, tu sais. Ça coupe. C'est plate. Bon. Mais ils ont une très belle pochette. Ah, c'est vrai. Très belle pochette. Un peu bande dessinée, Indiana Jones, on disait. Ouais. Dessin animé en même temps. C'est une très belle pochette. Coupe de cheveux qu'on n'aime pas, par contre. Non. Avec les côtés rasés. Une coupe de cheveux un peu à la, comment on disait ça, Forrest Gump. Quand il est dans l'armée. Mais pas pendant qu'il est dans l'autobus et pas avec une boîte de chocolat dans les mains. Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc, pas comme Forrest Gump. Ouais. Bon. Avant d'entendre Rich Aucoin, on a entendu du côté francophone la 4e position, Philippe B avec Hypnagogie, ça monte de la 13e place, 2e semaine de présence. On s'en va au 3e du côté anglo, c'est l'ancien numéro 1, Marie-Pierre. Oui, Wilco avec la chanson I Might. Là, c'est une déception pour nous tous. On va aller commencer le bloc avec Galaxy qui monte de 5 places. Voici Shanghai. Au palmarès, c'est fou au 89.1 FM, la radio campus de Trois-Rivières. Toujours par la race, c'est fou, Marie-Pierre? Oui. Plutôt dans l'émission, on avait fait une promesse qu'on doit tenir. Oui. Vous avez dit qu'en exclusivité exclusive, on entendrait la nouvelle publicité d'Assemblage Rocky. Alors, on l'écoute tout de suite. Yo, bro, man, dude, t'as donc ben une belle stache. Ah ben, merci, merci. Tu devrais voir ma prostate. Fait que toi, Plante, participes-tu au Movember cette année? Elle le ferait bien, mais je suis pas ben même velu de la face, t'sais. Et tu dois me tailler une moustache sur la cuisse, tu penses? Écoute, je sais pas. Remonte donc tes pantalons, s'il te plaît. Assemblage Rocky. Émission matinale en pièces détachées. Du lundi au jeudi, de 7h à 9h. Assemblage Rocky pour toi aujourd'hui. Retrouvez les notes de l'émission et les balado-diffusions sur assemblagerequis.com. Très bien ça? Ça surprend? Oui. Cocasse! Ça donne des drôles d'images. Oui, hein? C'est ça. Numéro 3. Numéro 3. Et I Might, l'ancien numéro 1 anglophone, qui descend donc de deux places. Oui, et en troisième position francophone, c'était Galaxy avec Shanghai. Oui, tantôt, on a entendu la nouvelle publicité d'Assemblage Rocky sur Movember, les moustaches oui. et tout. Qu'est-ce qu'on parlait de moustaches? J'avais une anecdote de moustache à nous conter en onde, je pense, c'est ça? Non? Ah oui. C'est ça, Sam? OK, oui, c'est une anecdote d'enfance, si tu veux que je la raconte. Ben, on dirait. J'avais mon père, ouais. quand j'étais jeune, il avait une moustache. Bon, comme tous les papas des années 90. Dont le mien, oui. Oui, donc tous les papas. Ouais. Et bon, là, si nos deux papas, c'est le cas, ben, c'est donc tous les papas. Hein? Et à un certain moment dans les années 90, je pense qu'il y avait eu une petite vague de rasage de moustache. Okay? Le contraire de Movember. C'est ça. Et, le Movember. Ouais. Attends un peu, je pense que ça existe déjà. Ouais. Et là, j'avais à peu près 4 ans. Puis bon, tu sors du bain, tu t'en vas dans ta chambre, j'arrive pour allumer la lumière. Puis, la lumière est brûlée. Fait que là, j'appelle mon papa pour dire il n'y a plus de lumière. T'sais, on peut-tu la changer? Et là, mon père, qui avait toujours une moustache, arrive, change la lumière. Et au moment où le déclic se fait, là, quand la lumière est vissée au complet, la lumière s'est allumée, mon papa avait plus de moustache. T'as un peu volé le punch en le disant, comme au début, qu'il y avait eu une vague de coupage de moustache. Quand tu racontes une histoire, raconte pas le punch au début. Ouais, je sais. Mais c'est des choses qui arrivent. Ouais. Mais bref, j'ai été pas traumatisée, là, mais j'ai beaucoup pleuré. T'as pas été traumatisée, t'as été juste assez traumatisée. Ouais. Traumatisée, t'as... Ouais. Ça va. Ouais. Ouais, juste assez matisé. Mais j'ai beaucoup pleuré suite à cet événement. Oh. Il l'a refait repousser. Ah, phew. Heureusement. Ben oui, une chance. Mais ensuite, plus tard, il l'a enlevé. Oui. Et maintenant, il n'en a plus. Et c'est parfait comme ça. C'est bien correct. Ouais. On rappelle le conseil, ne rasez pas votre moustache l'été, les papas. Oui, on rappelle le conseil. Le tan va être inégal, tu sais. Oui. Bon. Vous êtes toujours au palmarès, c'est fou, croyez-le ou non, hein, avec ces conversations. De moustaches. Au numéro comme partout cette semaine. Ben, c'est ça, parce qu'on est vraiment comme la seule radio qui parle de Movember. Il n'y a personne d'autre qui en parle de ça. On est des originaux. Mais au moins, notre publicité parle de relever ses pantalons et ça, c'est quand même rare. Quand même rare. C'est ça. Ça te rend du mal à l'aise, on dirait. Alors, en deuxième position anglophone, ce sera My Morning Jacket avec Victory Dance. Oui, mon manteau matinal. Ouais. Mais on commence avec Propofol en francophone. Voici Fibre Optique qui monte de 18 places. Hein, c'était nouveau la semaine passée et directement au sommet. Oui, mais My Morning Jacket, ils ont monté de 11 positions. C'est moins que la deuxième francophone, mais tout de même, c'est pas mal. Ah, tu sais, deuxième, hein, c'est comme le premier des derniers. Oui. C'est ça, hein, c'est ça l'expression? Ah oui. Ouais. C'est un peu poche hein, comme expression. C'est un peu dévalorisant. Propofol, hein. Bon. Parce que les filles peuvent pas se faire pousser de moustache. Hein. Justine, elle a essayé, ça marche pas. Ça marche pas. Elle reste du mois au moins pour l'essayer. Un jour, ça viendra. Bonne chance, Justine. Yeah. numéro 2. Setting sun. va juste souhaiter que t'aies pas une sinusite, c'est ça? Ouais. Si on lisait l'article sur la sinusite, c'est... Oui. Ça peut être causé par des allergies. Oui. On va l'entendre. My Morning Jacket avec Victory Dance. Ça monte de 11 places en deuxième position anglophone. Et du côté francophone, c'était Propofol avec Fibre Optique. J'aime la fin de la pièce de My Morning Jacket. Ça finit comme... Pas le fond qui joue en ce moment, mais c'est... Il nous reste seulement les numéros 1 et comme on sait, les numéros 1, c'est le moment de faire des jeux de mots poche. Ah oui, j'attendais ce moment. Ah, j'imagine, Colin. C'est comme si t'étais comme pas d'accord avec les jeux de mots. C'est comme si, genre, rien ne nous rassemble côté humour. Tu vois, genre? Est-ce que je suis supposé voir rassemble? Un indice du premier c'est pas un indice, c'est exactement le titre. En fait, c'est... Ah, oui, t'as raison. Ça. Je pensais que t'avais poussé plus loin et que t'étais en train de faire un indice pour le numéro 1 anglophone. Mais... quand tu viens de dire pousser plus loin et Peter, je peux pas faire autrement que dire péter, pousser plus loin, tu sais. T'en comprends? Quand tu pousserais ton... OK. Ben, c'est ça. Ouais. Et du côté anglo, Mathieu, ton jeu de mots... Non, mais là, je sais pas. C'est parce que mes jeux de mots me viennent comme ça dans ma tête. Là, comme tu peux pas prédire. C'est comme quand tu regardes, mettons, la chaîne météo. T'sais. Ils vont te prédire quelque chose, mais c'est jamais ça. C'est comme ils te prédisent du soleil, ça va être de la pluie. Ils te prédisent t'sais, une petite tempête tropicale, ça devient un ouragan. T'sais. Fait que là, tu behold the hurricane. Hey. Hein? C'était-tu mauvais, ça? C'était-tu pas horrible? Mm-hmm. Hein? Horrible? Horrible? Hein? Comme le groupe. Comme le groupe Horrible Crows. C'est à peu près ça, hein? Ça vole pas haut. Comme un crow. Un crow, c'est quoi déjà l'oiseau noir là, perché sur l'arbre là, avec le fromage? Un là. Corbeau. Un corbeau. Fait que fou, ça vole bas. Un corbeau. Je sais pas si un corbeau vole vraiment bas, mais là, mes jeux de mots sont pas toujours basés dans des faits. Juste pour vous dire. Okay. Là, Peter, avec Rien ne nous rassemble, suivi de The Herbal Crows. Avec Behold the Hurricane. Mission accomplie. Félicitations, Mathieu. Merci beaucoup. Nous ressemblons bien, nous ressemblons bien, nous ressemblons bien. Nouvelle entrée. C'est malade, chose. Hey, l'annonceur est en train de se tromper dans ses mots. Pas nouvelle entrée pendant toute cette affaire-là. On appelle nouvelle ça... entrée. Ouais, nouvelle entrée. À la place, c'est plutôt... Et en première position. Yéhi! Bravo! Il l'a eu! Il se tape dans le dos des fois, puis... Ça, c'est une fois. This house creaking, I'm familiar with the cold and the windows and the doors and the sound of my heart beating, beating in and out of time. And it's such a shame. Like a memory haunts me now, as if it were a dream, as if it were a dream. It's such a shame. Heard the wind say this morning, he's still in my heart. I age by years in the mention of your name. Première position des palmarès de cette semaine, et vous pouvez remercier François-Olivier Marchand pour le numéro 1 anglophone. C'est grâce à lui qu'il a fait jouer tous les jours à Assemblage Requis que ça a monté comme ça. Avant de dire les numéros 1, on va faire le résumé des top 3 de chaque côté. Quel côté veux-tu, Marie-Pierre? T'as le droit de choisir le ton bar. On vient pas tout juste d'entendre les numéros 1? Ouais, on fait un résumé. OK, on fait un résumé. De quel côté je veux faire? Choisis ton bord. Côté francophone, tiens. Vas-y. Alors, en troisième position francophone, c'était Galaxy avec Shanghai. En deuxième position, c'était Propofol avec Fibre Optique. Et en première position, c'était Peter Peter avec Rien ne nous rassemble. Et d'ailleurs, Peter Peter avait passé de la 14e position à la première position. Donc, une belle grosse remontée pour... Il en est à sa deuxième semaine, donc. Il est allé se péter à tête sur le plafond. Hein? Ouais. Bon. Du côté anglophone, en troisième, c'est Wilco avec I Might, lancé numéro 1. En deuxième, c'est My Morning Jacket et Victory Dance qui montent de 11. Et en première, on vient d'entendre The Horrible Crows avec Behold the Hurricane qui monte d'une place sur l'album LC. Voilà pour nos numéros 1 et tout le reste des palmarès Cifou pour la semaine du 31 octobre au 6 novembre 2011. Parlons un petit peu de ce qui s'en vient sur nos ondes parce qu'on est en direct tous les jeudis entre 14h et 17h, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Vrai. Ouais. Ce qui nous suit, ce sera La Sécheuse à 17h puis La Spirale avec Mathieu Leblanc-Houle à 18h. Les vendredis, on joue entre 17h et 20h. Ce qui nous suit, c'est Les Lutins de l'Enfer avec du métal. Et on repasse aussi les lundis entre 13h et 16h. Ce qui nous suivra, ce sera Le Boudoir. Certains d'entre vous allez entendre une pièce de Timber Timber, Woman, dépendant de quand vous nous écoutez. Parce que des fois, ça arrive qu'on défonce l'émission d'après, fait que l'année dernière, elle joue pas. Ça arrive, tu sais, même. Woman de Timber Timber. Pour certaines personnes, choisissez votre bar, vous aussi, tu sais. Est-ce que vous écoutez le jeudi? Est-ce que je vous écoutez le vendredi? Est-ce que vous écoutez le lundi? Vous avez le choix pas mal. Hein? Il y a aussi en balado-diffusion sur assemblagerequipe.com avec toutes les notes de l'émission et les MP3 de chaque émission. Et sur safe.ca, ben, il y a toute la programmation. Fait qu'à un moment donné, t'as même pas besoin de choisir, prends la toute. On te donne ça cuit dans le bec, toi. Et c'est ça. Bonne semaine. Merci, Marie-Pierre. Bonne semaine, Mathieu. Merci à Justine Renaud. Merci à François-Olivier Marchand pour sa participation aux Instants Classiques. Et merci puis, à toi, Mathieu. Merci encore une fois à toi. Deux fois plutôt qu'une. Hein? C'est ça. C'était un beau palmarès. Je pense que c'est un des bons palmarès qu'on a fait. Hein? Au moins dans le top 20. À date qu'on a fait, toi et moi, mettons. Ouais. Pas trop. En tout cas, il y en a qui l'entendraient peut-être pas au complet, mais c'est quand même Woman qui commence à l'instant. Bye. Bye. I remember all I tried to forget.